L'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Pas le général. Mais rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur l'antenne de fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Au fond près du radiateur, c'est une émission pour la présenter, donc qui parle des luttes sociales. On donne la parole directement à ceux qui luttent et sans passer par des paroles d'experts ou des choses comme ça. Et ce soir, on voulait donner la parole à nouveau. Pour faire le sommaire un peu de cette émission, on voulait donner la parole à nouveau aux grévistes de l'hôtel Campanile Tour Eiffel. Donc on les avait déjà accueillis l'année dernière dans cette émission au moment du mouvement contre la loi travail. Donc c'était les salariés de cet hôtel qui représente à peu près 18 salariés. Il y avait 17 salariés en grève et tout ça, c'était une grève vraiment, vraiment massive. Et donc merci d'être avec nous ce soir. Salut. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonsoir, c'est Monia d'Hôtel Campanile Tour Eiffel. En tout cas, ce qu'on voulait vous dire, voilà, on va prendre le temps de discuter avec vous. C'est-à-dire qu'il y a eu une grève l'année dernière, vous avez obtenu plusieurs choses. Aujourd'hui, la direction refuse de tenir ses engagements, notamment, et en fait essaye de casser un peu tout le collectif, toute la solidarité entre les salariés, quoi. Donc on parlera de tout ça en début d'émission. Et en deuxième partie d'émission, on va vous passer un reportage qui va parler du mouvement Rock Against Police. Donc c'est un mouvement qui avait lieu dans les années 80, c'est-à-dire c'était des gens qui se présentaient d'ailleurs eux-mêmes comme des lascars ou quoi, qui faisaient des concerts dans les cités pour réunir les gens, qui essayaient de coordonner toutes les cités ensemble pour créer une force collective. Donc il y a eu une série de 6 reportages qui ont été réalisés, notamment grâce à l'agence Imedia et Monis Abdallah qui a fait tout un travail sur la question. Et donc on va vous passer le premier reportage sur ce mouvement Rock Against Police. Et voilà, on trouve que ça a encore écho à l'heure actuelle sur la manière dont les gens s'organisaient dans le passé, comment on peut s'organiser aujourd'hui, tout ça. Voilà, donc on va faire une petite pause musicale et on va s'écouter Lady Leisure. Et tout de suite après, on revient sur FPP 106.3 FM. Hey, hey, there's so many people that I've left to see. My thing, man. And I can't see them anymore. Where are you? Where are you now? Where? Can't see you anywhere. Nah, boo girl, stay over there. Stay. Over, put your back like hair. Scrape them back. You are not quite there. Nah, oh wow, it's unfair. You'll get air. When I'm in the building, you come out. When I'm my stage, it gets shut down. When I walk in, you best look down. Fire alive, gets run down. Everyone knows when I talk in the town. Everyone knows when I walk in the town. Oh my gosh, is that Lisha? Make them fall to the ground. Where are you now? Cause I can't see ya. Where are you now? I wouldn't wanna be ya. I'm like, where are you now? Cause I can't see ya. Where are you now? I wouldn't wanna be ya. Off, now your arm is ripped. Attention, army ting. You was on top, then you just flopped. You thought you was gonna blow up. You was gas got popped. Look, you're so late with it. Late. I said you're so late with it. So late. I'm on top and you're hating it. Yeah. And you look like 8 to 6 years old. I get paid to spit. Yeah. Like your stuff ain't great in it. Wait, your boyfriend was staring me down. Yeah. Now he's on my phone like, where are you now? Where are you now? Woo. Cause I can't see ya. I can't see ya. Where are you now? I wouldn't wanna be ya. I wouldn't wanna be ya. Like, where are you now? I wanna be ya. I wanna be ya. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you, man? What? You in Cyprus? Cause anytime I speak, that's news. See man on a 6 o'clock news. I got choices so I can choose. I got a shop and we sell sports shoes. And I'm in control when man cruise. My DJ are the ones and twos. Ain't for the six but I still got views. Anytime I speak, that's news. Anytime I speak, that's hoo-doo-doo-doo-da-da-da. Anytime I speak, that's tiger, tiger. Done with the shoulda, coulda, hoo-doo-doo-doo-da-da-da. Wiley, I'm getting them Piper, hyper. Doing this thing since MC Creeping. Doing this thing ever since Pied Piper. And I know man, them in jail, doing 5, doing 10, doing 15. And I know lifers. Where are you now? Cause I can't see ya. I can't see ya. Where are you now? I wouldn't wanna be ya. I wouldn't wanna be ya. Where are you now? Cause I can't see ya. I can't see ya. Where are you now? I wouldn't wanna be ya. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? You was on top of your game, son. Now I can't even see ya. See you though. You fell off, you have. Where were you now? Donc c'était Lady Lesher, Where Are You Now? Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19h, 20h30. Et donc on est avec Jeanne. Salut Jeanne. Avec Monia et Brahim, et on parle ce soir donc de ce qui se passe à l'hôtel Campanile à côté de la Tour Eiffel. Et pour commencer, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est concrètement de travailler dans l'hôtellerie-restauration? Quelles sont les conditions de travail, votre ressenti un peu sur ce milieu-là, quoi? Alors je vais commencer, moi c'est Monia, donc je suis sous-directrice, agent de maîtrise et non pas cadre. Ça fait 20 ans que je suis dans le groupe, donc c'est un métier fascinant forcément parce qu'on est en contact avec des voyageurs de tout le monde et surtout à Tour Eiffel du monde entier. Donc on doit assurer la permanence, donc 7 sur 7, 24 sur 24, c'est un peu la contrainte de tout le secteur hôtellerie et restauration. On le fait toujours avec le sourire et on aime ce métier. C'est pour ça qu'on se bat pour l'instant, justement. Donc, on travaille le dimanche, les jours fériés, même s'ils sont récupérés. Et comme je disais, voilà, le dimanche, c'est un jour comme un autre. Donc, ce qui fait un peu les contraintes de ce métier-là. Et après, il y a la pénibilité du travail de nuit. Et ça, je laisse la parole à Brahim pour en parler. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis veilleur de nuit dans cet hôtel pendant 10 ans. Donc je suis rentré d'abord chez eux donc avec un bac plus 4. C'était au début, c'est un job d'étudiant. Et donc l'année d'après, j'ai réussi à obtenir un bac plus 5. Et depuis, je suis toujours veilleur de nuit. Bon, pour répondre à la question de notre collègue, c'est un métier fascinant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact. Donc je suis très heureux d'accueillir mes touristes et mes clients. Hein, donc ils viennent la semaine, généralement la semaine. Donc on a des clients qui viennent pour le travail. Et le week-end, donc c'est des touristes qui viennent nous rendre visite. Et je les accueille toujours avec le sourire. Et ils me le font savoir donc, à travers les commentaires qu'ils laissent sur, sur le site et sur les sites de voyage. Donc je suis venu ici spécialement pour parler plus de travail de nuit qu'autre chose. Et surtout, donc comme je suis à l'origine de cette grève qui vient, la deuxième grève, si j'ose dire ça, qu'on vient donc lancer encore donc cette fois-ci, c'est surtout de parler à mon nom et au nom de tous mes collègues qui font la nuit donc dans le groupe Louvre Hôtel. Le propriétaire, si vous voulez, de notre hôtel, donc Compagnie, qui fait partie, c'est une filiale du groupe Louvre Hôtel, donc ici aussi, qui inclut le groupe Les Kyriades, les Golden Tulip, les Premières Classes, en fait, c'est le deuxième grand groupe hôtelier d'Europe. Et donc, je suis venu surtout insister sur le fait que travailler de nuit, c'est très dur. Et malheureusement, dans le groupe, n'est pas vraiment pris en considération parce qu'il n'y a pas de rémunération. Une rémunération qui compense, si vous voulez, cet effort qu'il fait la nuit. Voilà. Alors, toi, ça fait, comme tu disais, ça fait 10 ans que tu travailles la nuit. Et... on sait que ça a des effets sur la santé, comme tu disais, que c'est très dur, notamment que beaucoup de gens qui travaillent la nuit développent le diabète, notamment. Après, sans parler des effets sur la vie personnelle, et que c'est difficile de concilier vie personnelle et travail de nuit, dans le sens où ton rythme est décalé en fait, au fur et à mesure. Et par exemple, toi, tu disais, tu commences à quelle heure le soir, tu termines à quelle heure, c'est quoi tes rythmes un peu de vie, quoi? Donc, en fait, travailler de nuit, comme vous venez de signaler, donc c'est pas quelque chose de facile. Parce que quand on travaille de nuit, il faut savoir qu'on a perdu le rythme du jour. Donc, on a un rythme de nuit, donc qui commence généralement les heures de nuit. Allez, on peut dire que ça commence à dépendre des hôtels. Donc, dans mon cas, moi, j'ai deux jours, je commence à 21h, je termine à 6h. Et deux autres jours, je commence à 20h30, je termine à 6h30. Pardon, 20h, 6h30. Donc, dans d'autres hôtels, donc, comme étant élu du personnel, donc, je suis en contact aussi avec d'autres hôtels. Donc, ça commence de 22h, ça se termine à 7h. Mais c'est souvent, on peut dire qu'entre 22h et 7h. C'est-à-dire, au niveau de... Donc, une fois, on a commencé à travailler de nuit. Donc, on peut plus... Donc, notre sommeil est perturbé. Donc, même si on est au repos, donc, on ne peut pas dormir avant l'heure... Avant 5h, 6h du matin. Même si, par exemple, ça nous arrive de dormir le soir parce qu'on est fatigué, donc ce qui était dans mon cas. Ça m'arrive par exemple à 11h le soir, je dors et je me lève vers 2h du matin, plein sommeil, ça y est, je ne peux plus dormir, il faut attendre le matin pour me redormir, pour récupérer en fait. Et effectivement, donc, comme vous venez de signaler, en fait le problème c'est sur la vie personnelle et familiale, c'est-à-dire à partir, il faut savoir que la plupart des personnes qui travaillent de nuit, donc d'après les collègues à qui je demande, enfin à qui je pose des questions, la majorité sont divorcées de nos jours, c'est-à-dire ils sont, voilà, donc à force de travailler de nuit, donc ça alterne le jour, donc on rentre le matin, on est fatigué, mon cas d'ailleurs, donc moi aussi je suis divorcé à cause de ça, donc on rentre le matin, je trouve ma famille, mon enfant qui sont levés pour commencer la journée, et moi je cherche à dormir, donc il me faut du calme, ce qui n'est pas possible d'ailleurs parce qu'ils sont à la maison, donc ils sont obligés de sortir pour me laisser dormir. Au moment de rentrer pour manger, donc ils vont me réveiller, donc moi je suis tout le temps de mauvaise humeur, donc ça m'arrive de gueuler, donc ça commence comme ça malheureusement, donc ça devient insupportable parce que je laisse la femme et l'enfant à la maison. Enfin, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui travailler de nuit, c'est pas évident, c'est très difficile. Et souvent, bien sûr, parler de la santé, parce que quand on travaille de nuit, donc on vit contre nature, si vous voulez. Donc, malheureusement, voilà, donc on est la journée, on est fait pour travailler, enfin pour bouger, la nuit, on est fait pour se reposer. Donc, pour nous, c'est le contraire. Donc, bien sûr, le corps, donc, il fait des efforts humains pour s'adapter. Et malheureusement, comme on vient de signaler, la majorité des personnes qui travaillent de nuit, la première maladie, si on peut dire comme ça, c'est le diabète. C'est-à-dire que la majorité de mes collègues maintenant, quand je fais le tour de tous les hôtels, parce que je travaille dans l'hôtellerie, donc je connais mieux ce milieu-là, ben la majorité sont atteints de diabète aujourd'hui, de diabète, mais grave. Je veux dire, s'ils ne prennent pas l'insuline, l'insuline, il risque de passer. Quoi. J'ai mon collègue, par exemple, Simon, à qui j'ai une pensée particulière ce soir, qui a été hospitalisé pendant une semaine pour réguler son taux de sucre. Ça fait 17 ans qu'il travaille dans le groupe. Donc voilà, donc ça c'est pour les conséquences qu'on avait dit de travail de nuit sur la vie personnelle et la santé. Et le malheur dans tout ça, c'est que ce n'est pas un travail reconnu. C'est-à-dire, donc on n'est pas rémunéré, on bénéficie pas d'une compensation pour cet effort, je peux dire, surhumain qu'on est en train de fournir. Il n'y a pas de prime en fait pour le travail. Non, donc en fait, chez l'Ouvre Hôtel Group, et il me semble bien, à part 4 hôtels qui ont hérité ça de l'ancien opérateur, donc de l'ancien groupe, je ne sais pas, donc comme ils ont acheté, les autres, non, ils ne bénéficient pas de cette prime de nuit que je trouve aujourd'hui, il est temps de la mettre, en fait, de la créer, si vous voulez, voilà. D'accord. Mais moi, je trouvais ça important de parler des effets du travail de nuit, dans le sens où c'est quelque chose qui est... On ne donne pas souvent la parole aux gens qui travaillent de nuit, et comme... Tu parlais de toutes les conditions, de tout ce que ça implique sur ta vie personnelle et tout. Et moi, vraiment, ça me choque quand je vois les différentes lois, par exemple la loi Macron ou la loi El Khomri ou des choses comme ça, qui soit veulent étendre le travail de nuit, le travail les jours fériés et diminuer la rémunération de ceux qui travaillent de nuit. Donc moi vraiment je trouve limite j'ai envie de les traiter d'assassins quand j'entends ce genre de choses, parce que c'est peut-être assassin, c'est un mot qui est un peu fort, mais je pense vraiment ça va toucher le plus profondément de nombreuses vies, quoi, ces réformes là et ça va vraiment pas dans le bon sens. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole sur un peu les conditions de travail dans la restauration en général et dans l'hôtellerie restauration et dans et notamment ceux qui travaillent de nuit, quoi. Dernièrement, je crois, on a fêté les 200 ans du travail de nuit ou un truc comme ça. Voilà l'anniversaire, tu sais, il n'y a personne qui en a parlé. C'est dommage que ce ne soit pas des revendications qui soient portées de manière plus forte ou quoi, ou plus large par les organisations syndicales, par exemple, quoi. Voilà, donc pour un peu fermer cette parenthèse, vous, on vous avait reçu l'année dernière sur ce plateau à Fréquence Paris Pluriel. Donc c'était en plein pendant le mouvement contre la loi travail, donc encore inspiré en grande partie par Monsieur Macron avec Madame El Khomri. Et vous avez fait une grève de 28 jours. Donc je ne sais pas si on peut revenir un peu là-dessus, si vous pouvez nous raconter pourquoi cette grève, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez gagné, tout ça, quoi. Voilà, donc on a tenu 28 jours et on a gagné l'internalisation des femmes de chambre. Donc, grande victoire dans notre hôtel. Et donc, on a instauré justement aussi ce qu'on appelle prime de fin d'année, parce que ce n'était pas encore prévu le 13e mois, que maintenant on appelle comme ça parce qu'on est rentré dans la UES. Donc, et c'est étendu à tous les hôtels. Donc, voilà, c'était vraiment une grande victoire pour nous parce qu'on s'est battu surtout pour ces deux points importants et qu'on a obtenus. Et dans les engagements de l'année dernière, il y avait justement l'évaluation professionnelle et des compétences qui devait être mise en place et qu'on n'avait pas eu pendant des années, et qu'il s'est avéré être respecté pour tout le personnel, sauf pour les veilleurs de nuit. Donc, et après cette belle victoire pour notre hôtel, on s'est retrouvés à reprendre les postes de nous tous, avec le sourire, comme d'habitude, le dynamisme et tout ça. On était prêts pour refaire partir l'hôtel. En fait, Monia, je voulais juste te poser une question. C'est, tu as dit, on a obtenu l'internalisation des femmes de chambre. C'est-à-dire qu'il y avait des nombreuses femmes de chambre qui étaient employées par un sous-traitant et vous avez réussi à les faire embaucher par Campanil, quoi. Exactement. Donc, elles étaient toutes sous contrat par une société externe. Oui, tout à fait. Ouais. C'était juste pour bien expliquer cette revendication, quoi, qui était au cœur de la grève. Et qu'est-ce que ça implique, la sous-traitance aussi ? C'est très développé dans l'hôtellerie-restauration. La sous-traitance, c'est très développé. Et, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce point-là ? Oui, bien sûr. Donc, même s'ils signent des chartes pour, on va dire, respecter les aires supplémentaires, etc., même s'ils mettent des badges en place, etc., ils se sont avérés non suivis. Et c'est ça qui, après, a fait qu'on a fait la grève, justement, pour dénoncer. Et on a dénoncé à plusieurs reprises, d'ailleurs, hein, ce manque de respect de leur travail. Donc, les aires supplémentaires gommées, ils étaient payés non pas par les aires de travail, mais voilà, par chambre faite. Donc vous imaginez bien que c'est un travail fou et que c'est un peu quelque chose qui nous, on a dénoncé, et comme nous, d'autres hôtels qu'ils ont fait, parce qu'il y a d'autres hôtels qui avaient fait la grève avant nous et qui n'ont obtenu gagne cause, quoi. Oui. Et je pense à l'hôtel de Suresnes qui a fait une grève avant nous d'un mois aussi. D'accord. Voilà. Et en fait, ce que tu disais, c'est que quand tu es femme de chambre, tu peux, là, au Campanile Tour Eiffel, les femmes de chambre avaient un nombre de chambres à faire dans la journée, et elles ne partaient pas de l'hôtel tant qu'elles n'avaient pas fait leur nombre de chambres. Donc en fait, c'est du travail à la tâche, donc comme au 19e siècle, en quelque sorte, et tu es plus payé en fonction du nombre d'heures que tu fais, quoi. Et on va essayer de t'augmenter le nombre de chambres à faire, la charge de travail, c'est systématique un peu. Et en fait, dernièrement, on avait parlé aussi avec les livreurs à vélo, donc Foodora, Deliveroo, ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est le retour du travail à la tâche. Ils n'ont plus de salaire fixe, et ça a été supprimé. Même si, en fait, au début, quand ça a été créé, ce genre de travail, les livreurs à vélo qui livrent de la nourriture depuis les restaurants directement chez vous, il y avait des conditions de travail qui étaient, enfin des salaires qui étaient très attrayants. Donc il y avait un salaire fixe, plus on était payé à la course. Et donc ils sont constitués une masse salariale comme ça en attirant les gens. Puis ensuite ils ont supprimé le salaire fixe, et maintenant les gens sont payés seulement à la course. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été combattu par le mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, le salaire à la tâche, pour obtenir un salaire fixe horaire, quoi. Et donc c'était un peu ça qu'ils faisaient avec les femmes de chambre, je crois. Et du coup, grâce à votre grève, vous avez obtenu la fin de ça, quoi. Oui, exactement. Donc, ils sont en temps partiel, ils font 25 heures par semaine. Et donc, voilà. Il y a une gouvernante et une gouvernante adjointe qui font plus d'heures. La gouvernante, d'ailleurs, est à temps complet. Et elles étaient vraiment toutes contentes parce que, finalement, bon, un travail révalorisé. Et ils ont attaqué aussi la société au tribunal. Et donc, on attend encore le résultat de cette fameuse... de ce procès, parce qu'en octobre, voilà. Donc on verra bien ce qui va répondre à la société par rapport au fait qu'il n'a pas respecté la charte qui a été signée avec l'ouvre-hôtel pour le maintien des conditions, et, bon, pour ne pas parler de la pénibilité du travail. Hein, et voilà, et on faisait de ces femmes de chambre, on disposait en fin de compte de ces femmes de chambre comme on voulait. Hein. Des fois, il arrivait même à l'hôtel. Ah non, on n'a pas besoin de vous, vous partez à la maison, etc. Donc... c'est un peu ça. Et on a fait parler l'année dernière au Rudia, justement, en tant que femme de chambre, pour dénoncer un peu les pratiques qui se faisaient au sein des sociétés. Hein. C'est toujours de l'exploitation. Ils embauchent des femmes qui n'ont pas de voix, hein, parce que pour la plupart du temps, c'est des étrangères, hein, qu'ils essayent après d'avoir leur permis de séjour, etc. Donc, on sait très bien que c'est vraiment une belle victoire. Voilà. D'accord. Et pour revenir un peu sur le mouvement de l'année dernière, il faut dire que c'était un mouvement qui était très suivi. Je crois qu'à l'hôtel, vous êtes 18 salariés à peu près. Et il me semble que vous étiez 17 en grève. Et celui qui n'était pas en grève, c'était le directeur ou la directrice, quoi. Est-ce que tu peux reparler de ça, qu'il y a un collectif de salariés très fort dans votre hôtel au Campanile Tour Eiffel? Oui, donc l'année dernière, on était 14 salariés avec la direction, donc 13 grévistes, nous tous, hein, sauf le directeur à l'époque qui a été remplacé par notre actuelle directrice. Et donc, on était tous solidaires parce que face à une direction qui bon, employait des moyens qui n'étaient pas légaux du tout pour ne pas fermer l'hôtel. Mais au bout du compte, ils n'ont pas pu parce que finalement, avec les attaques en justice, l'inspection du travail, etc., ils ont fini pour fermer l'hôtel qui a fermé une semaine. Et pendant cette semaine, il y a eu les négociations. Ils étaient au bout du rouleau et donc finalement, ils n'ont pas pu faire en sorte de tenir avec du personnel qu'ils appelaient les bénévoles et qu'ils étaient des cadres des autres hôtels, qu'ils n'ont rien à faire pour tenir l'hôtel. Et ils ont fait appel, bien sûr, comme c'était une société externe, à d'autres femmes de chambre pour nettoyer les chambres, etc. Ils ont fait appel à des vigiles pour la nuit, or qu'ils ne sont pas censés de faire le travail de réception. Donc, bref, au bout du compte, à force de faire des pressions, de manifester et de les traîner au tribunal, ils ont cédé. L'hôtel était fermé. Il a été réouvert après une semaine avec notre sortie de grève victorieuse. Et donc, nous, on était dehors hein, pendant la fermeture, bien sûr. On a accueilli les gens, les passants, les camarades qui nous ont soutenus, les associations et tout le monde. Donc, et on attendait juste de pouvoir réouvrir pour justement montrer que c'est une équipe gagnante, soudée, solidaire et qui il y avait une seule chose, c'est qu'on veut, c'est justice. Mais ce mot-là, bon, c'est pas trop compris par les patrons, que, comme d'ailleurs, ils sont venus nous voir pour dire « Ah, on comprend pas pourquoi vous repartez en grève ». Et donc, ils discutent sur la légitimité de cette seconde grève, qu'ils comprennent pas non plus pourquoi il a lieu. Mais pour nous, c'est le seul moyen d'obtenir les choses parce qu'il n'y a pas de dialogue qui s'impose. Et donc, malgré plusieurs... fois, on a fait remonter par les questions du délégué du personnel, par les rencontres au sein du CER, et ben rien qui remonte jusqu'à eux parce que forcément ils font l'oreille sourde, ils veulent pas entendre ça. Voilà, ils créent des postes pour du personnel externe, donc au lieu de faire la promotion en interne, tout simplement parce que ça a été dit que parfois il faut du sang neuf. D'accord. Donc il faut du sang neuf parce que nous, voilà, on dérange. Mais Monia, ce que je te propose, là, tu commençais à parler de la situation en ce moment et de la deuxième grève. On va peut-être juste faire une petite pause musicale, écouter un petit peu de musique. Et puis justement, on va revenir sur, là, vous êtes à nouveau en grève depuis le 16 mai. Et donc on va revenir tout de suite sur ce qui se passe aujourd'hui. Et un petit peu de musique, c'est Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Got these cowards out plotting on me, red dotting for me. Blast them with the clapping, no, I'll keep the ratchet on me. All that beef and shit is corny, nigga, fake it in the Twitter beef. Your girl was something real, so she in my sheets. And I don't blame her, she'd rather be around this paper. Every move made is major, fuck a crib, we're buying acres. ODing off for life, see where the high could take us. Sky's the limit up above and way beyond you haters. I'm coming at your head, better duck. Out from under bushes like surprise, remember us. My music is the most ominous shit you ever bump. Niggas wanna meet they maker, I'm just here to hook it up. And when you get there, just be sure to send them my regards. Lord forgive me for this shit these niggas got me on. I'm trying hard, so very hard. I pull you into beef that you could never squash. This the life we chose, dealing with the life we chose. It's a cold world, homie, and it's only getting colder. Motherfuckers get their whole life froze. Yeah, this the life we chose, dealing with the life we chose. It's a cold world, homie, and it's only getting colder. Motherfuckers get their whole life froze. It's ghetto giving out scars to run the world with. Yeah, yeah. I already figured out a plan and torched it. Life sucked, felt I was tortured. Every day we had to climb through the dirt. Hell if I forfeit, been around the world and back again. Niggas jealous of the portrait, no more selling me short shit. My will so strong for myself if you came across it. Time to reclaim my fortune, big fleet, mount up the horses. Gotta stay on my feet, fuck run and die with the fortress. M.O.B. till I sleep, nigga. South Jamaica's my drive, watch your fucking own back. That's what it takes to stay alive. And fiend wise, I got the curses shining with me now. 1,000 and more styles, mine's like a clip of rounds. Watch for the shifty smiles. Just push the bar high, it'll lift the crowd. Building on tilt, fill up this bitch with loud. A tempo on me in that clicking pal. Holding on all these memories, I gotta think about them just to smile. This the life we chose. Dealing with the life we chose. It's a cold world, homie, and it's only getting colder. Motherfuckers get their whole life froze. Yeah. This the life we chose. Dealing with the life we chose. It's a cold world, homie, and it's only getting colder. Motherfuckers get their whole life froze. This the life we chose. Dealing with the life we chose. It's a cold world, homie, and it's only getting colder. Motherfuckers get their whole life froze. It's the life we chose. This the life we chose. Dealing with the life we chose. It's a cold world, homie, and it's only getting colder. Motherfuckers get their whole life froze. Toujours sur, au fond près du radiateur sur 106.3 FM. Donc on vient d'écouter Avoc Life We Choose et on est avec Mounia Ebrahim. Mounia, tu allais nous parler de la grève là, qui vient de démarrer. Oui, justement, donc on se bat pour les discriminations et je laisse la parole à Ebrahim pour en parler plus en détail. Oui. Oui, donc ma collègue Mounia vous a fait un petit peu le, donc vous a un petit peu décrit donc la grève de l'année dernière. Donc moi je suis là pour vous raconter la suite en fait. Mmh. Donc nous avons gagné ce qu'on avait gagné. Donc et donc on avait repris le travail. On les a oubliés. Donc on avait repris le travail comme d'habitude. Non, bon, donc on a espéré que des conditions soient meilleures, mais apparemment ils nous ont pas oubliés. Donc au début, donc avec la directrice actuelle. Donc, on lui a demandé de faire en sorte que cette équipe soit changée. Donc, au début, elle a commencé par harceler tout le monde. Elle a demandé à tout le monde d'écrire les courriers contre tout le monde. Elle a commencé par les femmes de chambre. Donc, après, elle est revenue vers ma collègue Mounia et s'est présente pour elle, qui avait pas, la seule dans l'équipe qui n'avait pas de mandat syndical. Donc, si on peut dire qu'elle est la plus vulnérable, donc elle a commencé par l'harceler. Elle lui a changé de poste, elle a retiré toutes ses tâches, lui a interdit de rentrer dans son bureau. Et la deuxième personne, c'est mon collègue Fouad, qui j'espère qu'il nous écoute à cette heure-ci. Donc lui, on l'a accusé même de violence, on l'a mis tout mis sur sa tête. Heureusement, donc au final, on a été élu. Donc moi, mon niveau, donc ma liste de nuit, au début, elle a voulu faire une promotion. Bon, elle s'est dit non, finalement, comme je suis syndiqué, que je suis un élu du personnel, non, la promotion, c'est pas possible. Donc au début, elle venait me dire, je vais vous nommer adjoint les yeux dans les yeux. Ça peut vous rappeler quelque chose. Donc après, elle a dit adjoint du jour, c'est pas possible, je vais vous nommer adjoint de nuit. Et au final, donc elle a recruté un adjoint de l'extérieur. Mmh. Bon, donc comme je viens de dire, donc c'était ça le climat. Donc on a essayé de discuter avec elle parce que je suis quand même une personne qui communique beaucoup avec elle. On n'ira nulle part comme ça. Il faut améliorer les conditions. Ça ne sert à rien de s'acharner sur les collègues. De toute façon, si elle veut obtenir de meilleurs résultats, il suffit de les prendre, de changer de stratégie, de communiquer tout simplement. Mais chaque jour, elle revient avec notre idée, avec notre stratégie, son objectif final. Donc au début, comme je viens de signaler, elle a essayé par la force, jusqu'à la terreur. Donc les femmes de chambre ont descendu les pauvres pointés alors qu'ils n'ont pas terminé leur travail. Donc elle les exige de descendre pointés parce que l'heure, c'est 15 heures et qu'il fallait pointer parce qu'elle ne voulait pas les payer. Donc il vient pointer par peur d'elle. Il pointe et retourne au travail, ce qui est considéré comme un travail dissimulé. En ce qui concerne ma collègue, donc elle est obligée d'aller. Donc elle a eu quand même 10 jours d'arrêt maladie parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc elle était au bout. Moi, j'étais obligé d'aller voir aussi la médecine de travail. Mon collègue Fouad, qui rentre à chaque fois, le pauvre, il est diabétique. Donc il rentre à chaque fois. Donc on le pousse à bout pour qu'il craque. Donc il est obligé de prendre des heures de délégation sur des heures de délégation pour ne pas rentrer dans l'hôtel. En fait, voici un petit peu pour vous décrire un petit peu le climat qui venait après la grève. Donc, nous avons essayé de communiquer, nous avons essayé de dialoguer. Donc comme ça n'a pas marché la première étape, donc ça, c'est la répression, donc c'est la pression, c'est la terreur, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'ils sont ni une. La deuxième étape, c'était des promotions. Voilà, vous êtes compétent, vous êtes fort, vous pouvez travailler ailleurs, mais si vous voulez, on peut vous payer des formations, vous pouvez y aller ici, mais à condition, c'est de quitter l'hôtel. Bien entendu, ensuite, quand on quitte l'hôtel, ils nous embauchent ailleurs pour une semaine, ils vont nous dire au revoir. Bon, ça, c'est connu de tout le monde. Donc voici où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc on a essayé quand même de dialoguer. Donc moi qui suis élu du personnel, donc j'étais avec mon collègue Fouad également, donc on a essayé de parler au conseil, au comité d'entreprise, on a essayé de porter l'affaire à la banque, on dit voilà, c'est pas normal ce qui se passe chez nous. Nous avons une directrice qui nous harcèle à longueur de journée. C'est pas normal. Déjà, elle ne travaille pas. Donc, elle aussi, elle s'estime victime. Bon, parce qu'elle n'arrive pas à avoir le dessus. Parce que voilà, donc il fallait aussi des compétences pour ça. Je suis désolé de le dire. Donc, voilà. Donc elle n'a pas la main. Donc, du coup, elle s'acharne de la manière que je vous ai expliqué. Donc, elle monte dans les étages. Pourquoi c'est ça? Pourquoi vous pointez pas? Pourquoi vous êtes... Enfin, bref. Donc, nous avons essayé de communiquer, de dialoguer avec eux. Et on leur a dit, bon, il faut intervenir comme vous êtes les responsables. Donc, les vrais responsables, on les rencontre dans le au comité d'entreprise. S'il vous plaît, est-ce que vous venez voir? Non, on lui fait confiance, on les laisse faire. Et du coup, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était mon cas. Donc, comme je vous ai expliqué, donc, moi, je suis veilleur de nuit. Donc, sur mon contrat, c'est marqué noir sur blanc que si un poste de jour se libère, il me revient de droit. Donc, elle a fait, donc, au début, elle m'avait dit, voilà, donc, je vais faire de vous un adjoint. Bon, pourquoi pas? C'est ce que j'espérais peut-être. Un jour, il faut quand même évoluer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, elle m'avait dit, voilà, les yeux dans les yeux, je vais devant un adjoint. Elle a mis, le lendemain, elle est venue me voir, elle m'avait dit, voilà, je vais créer un poste de revenu manager. Après-demain, elle a affiché un poste d'adjoint, elle a ramené quelqu'un qu'on lui a présenté, je ne sais pas comment. Donc, voilà pourquoi on s'est mis encore en grève. Mais tout ça, donc, avec toute la pression, tous les mensonges, qu'ils nous appellent comme ça. Donc, on a décidé d'arrêter le travail et voilà, donc, on a décidé de se mettre en grève illimitée pour bien sûr, enfin, réclamer les droits qui nous revient, hein. Enfin, je veux dire, pas grand-chose. Donc, en même temps aussi, on a introduit quelque chose qui, pour revenir à la première discussion, c'est possible de mettre une prime d'ancienneté de 25 euros brut pour nos collègues qui font la nuit. J'aimerais bien que ce soit pour nos collègues de nuit dans l'hôtellerie, que j'aimerais bien que ce soit pour tous les travailleurs de nuit, parce que honnêtement, c'est un moyen d'arrêter le travail de nuit. Ça serait peut-être la meilleure solution pour eux. Comme l'économie d'aujourd'hui, comme les conditions d'aujourd'hui nous obligent à travailler 24 sur 24, qui pensent à eux, qui les rémunèrent au moins, qui leur donnent un petit peu de poids compenser ce travail que moi, je trouve inhumain. Voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier les responsabilités de la nuit. Hein. Vous êtes seul à gérer un hôtel entier. Donc, vous assurez la sécurité de toutes les personnes présentes. Donc, c'est quelque chose de ne pas donner de tout. Hein. C'est vrai que toi, tu travailles de nuit depuis 10 ans, comme tu disais, et là, ce poste-là, c'était l'occasion de passer deux jours et de récupérer une vie plus à un rythme similaire à la majorité de celui qu'ont les autres personnes, quoi. Et en réalité, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que vous êtes un collectif de salariés qui est fort, qui ne se laisse pas faire, et la direction, aujourd'hui, essaye de casser ce collectif, quoi. Oui, c'est bien ça, c'est bien décrit, c'est bien ça, parce que comme j'avais oublié de mentionner un fait, comme la médecine de travail qui a recommandé, donc elle avait donné un courrier, recommandé que je passe deux jours parce que mes conditions de santé aujourd'hui ne me laissent plus le choix malheureusement donc, de continuer la nuit, elle est passée autre, elle a quand même recruté la personne, elle m'avait dit on verra votre cas, donc elle avait demandé à l'RH du groupe pour venir, comme je vous ai dit, elle va essayer de proposer un poste ailleurs pour me verrer le lendemain, en fait voilà comment on manage les équipes de nos jours en fait. Et on ne comprend pas pourquoi les salariés arrivent à craquer, qu'ils ne peuvent plus. Voilà. Donc c'est bien la réalité, la malheureuse réalité du terrain, en fait. Voilà. Voilà, je tiens à préciser qu'à cause de ce management, ils ont perdu quand même l'hôtel à Clichy. C'était en Campanile et qui devient groupe Accor maintenant. Et Bastille, pareil. Il va se détacher de Louvre-Hôtel. Et Louis Blanc, qui était à Louvre-Hôtel aussi, à cause de ce management d'équipe, etc., il a perdu l'enseigne. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout dans les pratiques qui courantes. Voilà. C'est ce que tu racontais aussi, c'est que la première grève, quand vous avez fait grève, ils ont envoyé des cadres d'autres campaniles pour travailler à votre place, ou des vières de nuit, ou des femmes de chambre sous-traitantes, ce qui me semble est illégal. Quand vous êtes en grève, l'entreprise ne peut pas envoyer des intérimaires ou quoi pour travailler à votre place. C'est illégal. Ça s'appelle des casseurs de grève. Enfin, voilà. Et il me semble que c'est illégal. Et, Et donc voilà, là, ce que Monia, tu disais hors antenne, c'est que quand vous avez commencé la grève, ils ont dit, donc pour rappeler, vous, vous êtes syndicat à la CGT, aussi HPE, et hôtel de prestige et économique, et donc ils vous ont dit, par principe, on n'ira pas parler avec vous. Parce que en fait, il faut que tout le monde courbe le dos, dise oui, oui tout le temps. Et quand tu commences à réclamer, je sais pas comment dire, à dire non, stop, ça suffit. Voilà, nous, notre dignité, on va l'affirmer collectivement et tout ça, on se laissera pas faire. C'est là où, par principe, ils vont essayer de te casser. Donc, si tu peux revenir un peu sur ça aussi, quoi. Oui, bien sûr, quand les responsables ils sont venus nous voir pour nous annoncer que par principe, et c'était dit à l'hôtel même quelques jours après la grève et publiquement au sein de la réunion du comité d'entreprise, par principe, on négocie plus avec vous. Donc, ce n'est pas la CGT qui va décider de cet hôtel. Donc, par principe, on négocie plus. Voilà, c'était ce qui était dit. C'est-à-dire, on a fait le deuil sur cet hôtel. Et donc, à l'heure actuelle, on attend toujours de rencontrer justement les dirigeants sous notre sort. Mais voilà, donc c'est vraiment... ça a pris une ampleur différente, on va dire, de la fois précédente. Parce que là, par principe, voilà, on ne négocie pas avec vous. Voilà, tout simplement. En fait, c'est pour rebondir ce que vient de dire ma collègue Monia. En fait, le souci, comme on avait réussi, donc... comme on avait réussi donc à obtenir le 13e mois pour tout le monde, ce que je trouve bien en soi. Donc, ils ne veulent plus venir négocier avec nous parce qu'ils ont peur. Si on arrive à obtenir quelque chose pour nous, ils vont l'étendre sur tous les autres collègues. Mais qu'est-ce que c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour c'est une multinationale, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui de donner 25 euros par nuit travailler à un pauvre veilleur de nuit? Ou qu'est-ce que c'est que de reconnaître une prime d'ancienneté? On ne l'aura même pas précisé le montant aujourd'hui pour quelqu'un qui a eu 20 ans de boîte et qui touche légèrement plus que son collègue qui vient d'arriver aujourd'hui. Si on demande finalement, enfin on demande des finales, juste une reconnaissance des efforts fournis, parce que ils ont réussi à gagner aujourd'hui, c'est grâce à nous. Parce que nous qui sommes sur le terrain et eux, ils sont au siège. Donc c'est grâce à nous, on leur demande juste une petite reconnaissance, quelque chose. Si aujourd'hui je suis de nuit et qu'ils me donnent 25 euros brut, et demain j'emmène ma femme, pour ceux qui ont encore des femmes, parce que moi j'en ai plus malheureusement, pour ceux qui ont des femmes, ils l'amènent dîner un jour, c'est déjà une récompense pour tous les efforts, la pauvre, qu'elle a fait, donc qu'elle a consenti pendant que lui, il est absent de la maison pour rester toute seule. Enfin, c'est juste comme ça. Ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est une petite reconnaissance qui regarde ces petites personnes qui souffrent et qui ne gagnaient pas forcément. Alors que, bon, si bien leur niveau de vie, quand ils viennent avec des voitures de luxe au comité d'entreprise, on sait bien que la différence. Moi, je prends le métro au passage. Ouais. Voilà, ouais. Okay. Et ben, du coup, bah, merci beaucoup. On vous en prie. Ouais. Donc, il y a un premier rassemblement solidaire aux campagnes de la Villette, donc demain midi. Donc vous savez qui y aura à peu près, vous avez appelé C'est lancé à tous les personnes qui D'accord. soutiennent le mouvement, et donc nos collègues, nos camarades, et donc on sera, et j'espère, nombreux pour manifester devant le campanile de la Villette. Et c'est vrai que c'est cette stratégie, vous l'avez déjà développée pendant la première grève, et là vous la remettez en place, c'est de faire le tour de tous les campaniles d'Île-de-France en faisant des rassemblements devant les autres hôtels du même groupe, pour aussi avoir un peu construire. Enfin, souvent on dit une grève, ça. On dit souvent une grève, ça marche sur les deux pieds, donc il faut construire la grève à l'intérieur de là où on travaille, et là le deuxième pied, ça serait aller vers l'extérieur. Et donc c'est une stratégie que vous mettez en place à chaque grève, c'est d'aller faire le tour des autres campaniles. Et donc là, ça commence. Tu disais demain au campanile de la Villette, c'est à quelle heure? C'est à midi, hein, parce que le campanile de la Villette, c'est filiale aussi du groupe. Donc on commence justement par les filiales du groupe. Et donc, et après, on fera le tour des autres également. Ce que nous souhaitons justement, bah, le message que je vais faire peut-être passer à travers votre radio, donc je vous remercie au passage de nous accueillir, c'est surtout pour dire à nos collègues qui sont dans le groupe Le Vrotel qu'aujourd'hui, on se bat pour eux. Grâce à nous, ils ont le 13e mois. Grâce à nous, ils vont y avoir la prime d'ancienneté. Et grâce à nous, ils vont y avoir une prime de nuit. Donc, s'ils peuvent au moins sortir nous soutenir dans notre combat à nous, c'est aussi eux qui vont gagner. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est que, ouais. En fait, pour obtenir, il faut se battre, quoi. Sinon, C'est la force, c'est le seul moyen, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de médiation, donc vous pouvez tout essayer, et croyez-nous, on a tout essayé, parce qu'on est des bosseurs, et donc on demande juste à travailler dans les bonnes conditions pour tout le monde. Et comme je vous ai dit, donc en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est encore le petit qui se bat pour contre le grand. C'est toujours été comme ça, malheureusement, parce que si on regarde au jour d'aujourd'hui ce qu'ils gagnent, à la fin de l'année, ce qu'on gagne, c'est vrai que c'est 25 euros, comme je vous ai dit, par nuit travaillée, c'est vraiment insignifiant. Oui, une prime d'ancienneté, c'est vraiment insignifiant. Voilà, mais c'est comme ça, c'est comme disait ma collègue, c'est pas principe, ils veulent pas négocier, ils essayent, bon, voilà, de nous avoir à l'usure, ils vont se dire, bon, finalement, et ils vont finir par accepter. Mais voilà, c'est comme malheureusement, voilà, il faut se battre. Il faut se battre, il faut y aller de l'avant, il faut se battre jusqu'à la réussite. Parce que je suis persuadé, nous sommes persuadés qu'ils vont venir négocier. On lâche rien. Voilà. Bah, Monia et Brahim, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Donc on rappelle, vous travaillez à l'hôtel Campanile Louvre Hôtel. C'est 30 rue Saint-Charles, 75-015. Paris, métro, Bir Hakeim, on peut passer vous voir aussi là-bas pour vous soutenir. Je pense qu'il y a un piquet de grève. Donc voilà, merci encore. On va tout de suite passer au deuxième sujet de cette émission. Donc comme on vous le disait, on voulait parler du mouvement Rock Against Police, donc, qui se passait dans les années 80. Il n'y avait pas encore de rap, tout ça, donc les gens écoutaient du rock. C'est pas le même que celui qui passe à la radio aujourd'hui, donc c'est un rock un peu plus énervé, on va dire. Et donc il y avait tout un mouvement où ils faisaient des concerts dans les cités, et en fait à travers ça, là, un peu comme fait Fianso à l'heure actuelle, quoi, mais eux ils l'ont fait dans les années 80, et à travers ça, l'idée c'était de coordonner les cités ensemble et d'avoir une force collective aussi, quoi. De manière autonome, et donc voilà, on va écouter ça tout de suite. Donc c'est le premier épisode d'une série de 6 reportages que vous pouvez retrouver en tapant Rock Against Police ou Agence Immédia dans un moteur de recherche, et voilà, donc on écoute ça tout de suite. Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur, 106.3 FM. S'organise. Une histoire en 6 épisodes. Le fait d'avoir vu au sein de Rock Against Police une jeunesse capable de se mobiliser, d'être intelligente, d'être en mouvement, d'être en rébellion, d'être en état de délit d'existence, un état de délit d'existence. Tout cela m'a rassuré dans le sens où je me suis dit que quelque chose de profondément politique allait naître de ça. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à constituer, effectivement, donc à parler, et donc à créer, d'abord, ça a été le mouvement culturel de la fin des années 70, qui, parallèlement, a développé un mouvement politique, je dis bien parallèlement parce que c'était très lié. Donc il y a des tas d'expériences sociales qui ont été faites à ce moment-là par des enfants d'immigrés. Donc on se battait sur l'enseignement, on se battait sur le logement, on se battait contre le crime raciste, on se battait contre les expulsions. Et on se battait pour une reconnaissance de notre identité citoyenne, mais aussi de notre identité culturelle. Rock Against Police naît de ce bouillonnement. Entre 1980 et 1983, avant la marche pour l'égalité et contre le racisme, une série de concerts s'organise au beau milieu des cités. Ces concerts sont des occasions pour des jeunes immigrés et prolétaires de banlieue de prendre la parole pour eux-mêmes et de prendre en main les luttes qui traversent leur quotidien. Épisode 1, s'affirmer tel qu'on est, pas tel qu'on devrait être. Avec Mognis, Samir, Rabah Attaf et Bernard. Ça a commencé dans les années, au milieu des années 70. Mognis. J'étais dans la banlieue ouest, dans un lycée très bourgeois à Saint-Cloud, avec plein de petits bourgeois ou de grands bourgeois d'ailleurs qui étaient des révolutionnaires en herbe à l'époque. Différents trucs gauchistes, Mao et tout ça. Et un des moments de mon engagement, c'était les luttes lycéennes en fait. Or, je faisais un petit journal de lycée qui s'appelait L'Encrier, où on parlait des questions anticolonialistes, anti-impérialistes, où on était sensible aux luttes des foyers qu'il y avait à Puteaux, à Suresnes, à Nanterre, etc. Un autre moment, comme ça, un peu fondateur pour moi, c'était aussi le premier festival du théâtre populaire des travailleurs immigrés, à l'automne 75. Et c'était un peu l'idée de reprendre, que ce soit le théâtre militant de Kateb Yassine ou alors le théâtre de l'opprimé d'Auguste Boal. Donc des interventions avec des supports légers, sachant que l'action militante pour cette génération-là ne se passait pas exclusivement sur l'usine, dans l'usine ou dans le lycée ou je ne sais pas où, mais aussi dans les cités et dans les quartiers. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des gens de la pièce de théâtre Week-end à Nanterre. Moi, la première création que j'ai montée au Bahut, c'était une création, disons, principalement inspirée par la lutte des Palestiniens et des Vietnamiens. On avait fait un montage à partir de poèmes dans la pure veine anti-impérialiste. Et donc, Samir, à travers cette création-là, j'ai fait la rencontre avec les copains de Nanterre, le Week-end à Nanterre. Donc, il y avait déjà ce truc qu'on partageait, ce trip de monter sur la scène et de faire des représentations. Moi, dans mon truc, c'était plus la dimension anti-impérialiste, on va dire, soutien au peuple en lutte, etc., dans laquelle on se retrouvait, à travers laquelle on se construisait peut-être aussi notre identité, tu vois, notre expérience. Et eux, c'était plus le vécu des gars des quartiers de Nanterre, de cité, quoi. Ils racontaient dans cette pièce, à laquelle moi je n'ai pas participé au départ, mais que j'ai rejoint, ils racontaient la vie de Lascar d'un quartier, quoi. Week-end à Nanterre, il y a ceux qui jouaient sur scène, et puis c'était... En fait, on était une tribu. Donc on avait une tribu avec des gens qui jouaient, d'autres qui ne jouaient pas. Mais on se déplaçait tous ensemble, hein, avec une extrême solidarité. Et des vrais gitans, on était... Rabah. En fait, c'était comme une bande de cité avec des gens qui avaient eu la chance d'aller au lycée, mais qui restaient en lien avec ceux qui n'avaient pas été au lycée, et d'autres gens de Gennevilliers, parce que Nanterre est une ville... à l'époque, c'était une ville vachement vivante du côté de ce que produisaient les enfants d'immigrés. Et surtout, on avait créé des lieux. On avait le ranch, nous. Or, le ranch, c'était spécial. Le ranch, c'était un endroit où tous les jeunes de la cité se retrouvaient et t'avais la musique à fond la caisse. C'était le blues, c'était la musique noire américaine. Et donc, c'était une ambiance particulière dans un lieu de pauvres. Donc, on avait nos lieux de sociabilité en marge des maisons de la jeunesse qui refusaient. parce que c'était tenu par le Parti communiste, hein, et qu'il fallait rentrer dans les rangs pour pouvoir créer selon leur orientation. Donc, comme on ne pouvait pas créer selon leur orientation, ce qu'on a fait à partir de, ouais, de 78, en vrai, on a saboté les pièces de théâtre qui passaient au Théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est comme ça qu'on a obtenu le premier festival de l'immigration à Nanterre. Préambule de la pièce de théâtre « Week-end à Nanterre », écrite en 1977. Nous allons voir brièvement la vie de jeunes immigrés, leur vie quotidienne, leur idéal, leur fantasme. Nous avons essayé de les voir au-delà de leur classique et éternel problème que sont le racisme et la condition sociale. L'immigré existe autrement. Ce n'est pas simplement le personnage stéréotypé au passe-montagne, au casque de chantier, résigné et pleurnicheur de Mektoub qui traîne misérablement sa nostalgie du pays entre le chantier et l'hôtel sordide avec des airs évocateurs d'exil, d'exploitation, de déracinement, de musique folklorique et de thé à la menthe pour ne pas oublier la petite pointe d'exotisme. L'immigré, notamment le jeune immigré, ne correspond pas toujours à l'image traditionnelle dans laquelle on l'a enfermé et qui fait de lui une bête à part, un immigré et rien d'autre qu'un immigré. Comme nous allons le voir sur le plan de la mentalité, il peut ressembler à un occidental. Il peut être délinquant ou clochard, révolutionnaire ou marginal, phallocrate et raciste, soumis et insoumis. Il peut presque oublier qu'il est un immigré. Et Week-end à Nanterre, ça a été en parallèle, très vite, plein d'autres créations. Tu avais les filles, la Rabat, elle a dû nous en parler, il y a Willy Willy. Tu avais des copains, c'était plus dans la Gennevilliers, je crois, qui avait monté, on met de prendre ta valise, un truc comme ça. Tu avais des copains, la Kaina, enfin, tu avais pas mal de monde qui. Mais nous, en fait, ce qui nous distinguait des premières troupes, on va dire, immigrées, c'était que c'était la génération des fils et des filles. Il y avait Week-end à Nanterre. Hein. Donc, il y avait cette expérience qui existait et le vide total côté féminin. Mais le vide. Donc, c'était important, c'était logique que nous prenions notre espace. On vivait quand même dans un monde de mecs. C'est eux qui avaient toujours le devant de la scène. Nous, on suivait, soi-disant. On suivait. Tu parles d'une fonction. Non, ça ne pouvait pas être comme ça, ce n'était pas possible. Donc forcément, l'autonomie, on la voulait, notre autonomie, nous. Et on menait chacune des combats individuels, quoi. Tout en constituant des groupes de filles, si tu veux, c'est ça qui était intéressant. C'est qu'on s'est constitué en tant que groupe de filles, à la fois à la fin du lycée et en fac aussi. Hein. On a élargi le groupe en fac à des filles de Puteau et de... Il y a Wélé, Wélé, c'était des filles de Nanterre, de Puteau et de Gennevilliers. C'est pas mal. On n'était pas du tout dans la logique mec avec sa petite bande de quartier, nous, non. On circulait, les filles, hein. Attention. Hein. Révolte par rapport au, à la fois par rapport aux traditions qui étaient très dures, et on se révoltait contre le discours justement de ces féministes, les pauvres, les malheureuses, et des assistantes sociales qui venaient nous pourrir la vie à la maison, et du gouvernement algérien déjà à l'époque, on avait une dent contre lui. Puisqu'il faisait croire que la femme algérienne était libérée, ce qui était loin d'être le cas. Et le discours qu'on avait, c'était... il n'était pas contre notre culture, mais on n'avait pas envie de cette vie-là, si tu veux. On n'avait pas envie de reproduire le schéma traditionnel patriarcal. Et puis, il y avait cette pression de la société française, déjà, sur les filles, en disant, mais c'est le vieux discours de Mitterrand... pour pouvoir assimiler, il faut libérer la femme algérienne. Donc on leur retire le voile. C'est vieux, on connaissait ça, nous. Donc il fallait libérer ces pauvres petites jeunes filles et leur faire découvrir autre chose, tu comprends ? Et nous, on refusait ce discours, quoi. Si on devait nous libérer, c'était par nous-mêmes et à partir de notre propre culture, quoi. C'est pas en nous clonant. Encore une fois, le discours qu'on a eu, il correspondait à ce qu'on vivait. Donc forcément, il était fort et agressif. Et je pense que, si tu veux, tout ça, tout ce qu'on a produit à l'époque, ça a été vraiment l'expression d'une grande révolte. Quoi. Très grande révolte. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis que c'était avant tout une volonté de prendre la parole. C'était pas de la donner. Nous, on n'avait pas les moyens de donner la parole. On se donnait les moyens de la prendre. Et une parole collective qui se fait par tâtons, on se cherche aussi, hein, et on se construit beaucoup, peut-être à la différence d'aujourd'hui, dans le collectif. Certains baratineurs ou idéalistes prendront de belles idées telles que l'authenticité, le retour au pays ou la double culture. Eh oui, il paraît que l'immigré est déchiré entre deux cultures. Quel affreux dilemme pour lui. Nous pensons qu'il est déchiré entre rien du tout. La plupart de ses comportements, comme nous allons le voir, sont la preuve d'une adaptation ou d'une existence réelle dans un système pourri qui offre les mêmes dérivatifs qu'aux occidentaux. Où est-elle la culture de l'immigré? Juste des bribes d'une culture islamique désuète qui constitue en fait des coutumes auxquelles s'accrochent désespérément certains immigrés pour essayer de nier leur récupération et leur adaptation au monde occidental. En fait, ce n'est pas cette soi-disant culture qui arrivera à rappeler à l'immigré qu'il n'est pas tout à fait français. Non, c'est autre chose. Car si l'immigré a des facultés d'adaptation étonnantes, nous pensons qu'il n'arrivera jamais à s'habituer au coup de flingue. Le crime raciste sera toujours là pour lui rappeler que malgré tout, il n'est qu'un crouille. Donc l'action politico-culturelle a commencé comme ça. À travers un journal lycéen, à travers les rencontres autour du Festival du théâtre populaire des travailleurs immigrés. Par ailleurs, j'ai rencontré Toati, Momo, d'Alfortville, de Vitry, dans ce moment de circulation interbanlieue. Ils étaient sur les actions lycéennes, la coordination et tout ça. Et je les suis après, mais il y avait un atelier Super 8 au lycée Jean Massé à Vitry, tenu par un prof marxiste-léniniste. Il avait formé des jeunes à la pratique du Super 8 pour raconter leur vécu, etc. Et ça a donné un certain nombre de petits films Super 8 faits par les Lascars eux-mêmes sur les cités de Vitry, Balzac et Cousy. Et c'est là où, en discutant, on commençait à se poser la question de l'autonomie, y compris par rapport aux encadrants du type le prof de Vitry. Et ça rejoignait un peu le préambule de Weekend à Nanterre qui parlait de la représentation des immigrés et des jeunes. En gros, le thème, enfin l'idée, c'était voilà, on veut s'affirmer tel qu'on est, pas tel qu'on devrait être. Attends, aujourd'hui, attends, aujourd'hui. sexe, ou du texte le sexe. Om kel tom ren men noum, om kel tom ren men noum, yeah. Mene a c'hoer, c'est la ro-ro man. Ro-ro man. Ro-ro man. Ro-ro man. Dans un pays. C'est la ro-ro man. Donc voilà un peu le croisement des gens, bon, beaucoup de circulation d'un coin à l'autre, sur Rennes plutôt, Nanterre. Enfin, d'abord c'était ce coin-là. Et c'est un peu autour de cette idée-là qu'a germé l'idée de rencontre, de coordination, d'abord entre quelques banlieues en région parisienne, et puis assez vite au-delà, principalement Lyon, un peu Marseille et ça. Quand je disais que l'expérience du mouvement lycéen, il faut la réintroduire un peu dans l'écriture de cette histoire-là, c'est qu'il y avait des coordinations lycéennes. Et ça tenait à une expérience qui durait dans le temps, dans la jeunesse, depuis 10 ans déjà, depuis en fait l'après 68. C'est-à-dire que sur l'aspect pratique de la coordination, c'était quelque chose de courant, quelque chose d'intégré dans la démarche lycéenne. Et nous, on n'était pas intéressés uniquement par les questions lycéennes ou étudiantes stricto sensu, parce que c'est le moment où sont apparues les questions de la précarité des jeunes. Bon, il fallait bosser ou trouver du fric pour vivre, tout en étudiant, comme on dit. Et puis, il y a un autre facteur complètement nouveau à partir des années 77-78, c'est l'apparition assez massive et soudaine des jeunes issus de l'immigration, enfin à l'époque on disait jeunes immigrés, parce que de fait de nationalité étrangère, qui après 16 ans sortaient de l'école et puis se retrouvaient au chômage, quoi. Soit ils étaient venus très jeunes, au moment par exemple des regroupements familiaux, soit ils étaient nés en France, par exemple les Algériens, mais les Algériens ne sont devenus français qu'à partir de 81, la majorité. Jusque-là, et même né en France, avec les clauses de l'accord d'Évian et tout ça, il s'était étranger. Et donc, on a vu apparaître, je n'ai plus en tête les chiffres, mais 78, ça a été une année où tout d'un coup, il y a eu des milliers de jeunes expulsés. Et à l'époque, il y avait une convergence d'un racisme anti-jeune et d'un racisme anti-immigré, anti-algérien en particulier. Et du coup, les gens qui voyaient comme ça, ces jeunes, rien foutre, en bas de la rue, en plus, être ce qu'ils considéraient arrogant et tout ça, expulsion. Expulsion du territoire. Mais bon, le problème, c'est que les mômes, ils disaient, on est d'ici, quoi. On est ici, on est chez nous. Et ils ne faisaient pas que le dire, ils mettaient en application. Donc quand il y avait des expulsions, ils revenaient clandestinement. Et... là, il y a un deuxième niveau de coordination qui s'est mis en place très vite, c'est l'hébergement et la protection de ces expulsés. Extrait du journal Tract, distribué pendant le concert Rock Against Police de Vitry en mai 80. Hassan, ça fait 7 ans qu'il n'a pas bossé. Il aura appris en CET à ne pas vouloir bosser. Il atterrit très jeune à Fleury pour une bagarre, il y retournera. Sorti depuis quelques temps, il se baladait pépère, et voilà qu'il reçoit un petit papillon vert chez lui. Arrêté d'expulsion, lui signifiant qu'il doit quitter le territoire français sous huitaine. Pas de possibilité de recours. Pas mention du droit à passer devant la commission d'expulsion. C'est expéditif. Pourquoi ? Pour l'obliger à se planquer, comme tous ceux qui sont en cavale pour des galères pour cause de dope, braquage, armes, désertant malgré eux le terrain social quotidien. Le terrain où, justement, se manigance quelque chose de pas clair. Depuis novembre dernier, les cités Marguerite, Potager et Pâquerette sont quadrillées par les CRS. En fait, tout se passe comme si on voulait vider les habitants de ces cités. En réouvrant les dossiers des Lascars pour les expulser, ils savent aussi qu'ils mettent dans l'embarras les familles qui ne laisseront pas leurs mômes se faire jeter tout seuls, quitte à partir avec eux au pays. Les flics n'en sont pas à une vacherie près. En communiquant régulièrement au consulat d'Algérie des listes de jeunes immigrés qui n'ont pas réussi à coffrer, ils savent qu'ils mettent dans la merde la grande majorité des lascars qui esquivent, année après année, leur service militaire. Au prix de se voir refuser le renouvellement de leurs papiers, passeports surtout, et se retrouvant donc à terme en situation irrégulière vis-à-vis de la France même. Pour nous, il est hors de question de céder sur notre liberté de circulation dans les cités. Au contraire, nous entendons y réaffirmer notre présence et nos exigences. Il faut en finir avec la parano, des expulsions notamment, et nous organiser non plus au cas par cas. 90% des expulsés reviennent clandestinement en France, même 10 fois de suite s'il le faut. Même s'ils sont jetés à la mer du bateau sur lequel ils ont embarqué. Certains même ont élu domicile en tôle plutôt que de rentrer en Algérie. Les copains expulsés qui ont décidé de revenir doivent pouvoir circuler librement en France et en Europe. Pour dépasser la sempiternelle lamentation sur les expulsions, pourquoi ne pas constituer un collectif d'avocats sur cette question ? Nous, notre histoire, c'était l'histoire d'expulsion. C'était suite à une action qu'on avait organisée au lycée de Saint-Cloud pour un truc qui s'appelait Carrefour aux carrières, où le lycée devait représenter aux jeunes les carrières possibles. Et donc, c'était un truc patronné par les pouvoirs politiques et économiques de l'époque. Et il y avait des représentants de l'armée, des représentants de l'énergie nucléaire, enfin bon, tout ce genre de choses. Et nous, on avait décidé de faire une action sous forme de représentation de la pièce de théâtre et week-end à Nanterre au lycée. Pour dire, voilà ce qui attend les jeunes précaires, immigrés ou pas, après les études. Bon, il y a les copains, les copines de la pièce, plus leur public, qui sont venus, enfin, je me souviens, ils ont flippé en voyant des blousons noirs, des blousons de cuir, enfin, un public prolétaire, quoi, dans l'antre de l'éducation bourgeoise. Et les grilles ont été fermées, il y a eu des jets de gaz lacrymogène, et après ça, il y a eu une baston. Quoi. Bon, tout ça, c'était un micmac qui a fait que, quand on est passé en commission d'expulsion, il y a des gens qui se sont demandé c'est quoi, c'est une expulsion politique, c'est une expulsion pour délinquance, c'est quoi ? En ce qui me concernait, en ce qui nous concernait, moi et mon frangin, l'intitulé disait expulsion pour trouble à l'ordre public à plusieurs reprises par le comportement. Donc ça a été rédigé un peu à la va-vite. Et on a joué, à mon avis, on a joué des contradictions entre les tenants de l'expulsion politique et ceux qui parlaient d'expulsion pour acte de violence. Et en même temps, on a fait très attention, parce qu'à un moment donné, quand on est allé, on a fait le tour des associations, des ONG et tout ça, pour le soutien. Par exemple, la CIMAD nous reçoit, le patron de la CIMAD, il fait un communiqué. Il dit, mais c'est quoi ça ? Le communiqué, il dit qu'en gros, l'avis d'expulsion est mal motivé. Et donc, on lui a dit au gars, mais vous êtes en train de conseiller l'État sur comment bien nous expulser. Nous, ce genre de soutien, on n'en veut pas. Et bon, les idées d'autonomie pratique, elles viennent de là aussi. C'est dangereux, ces gens-là sont dangereux. Donc il y a eu un comité de soutien important sur la fac de Nanterre, les coordinations lycéennes, étudiants, tout ça. Ils se sont appropriés aussi l'affaire. Au bout de 3 mois, l'expulsion a été annulée. Donc voilà, donc il faut avoir en tête que la question des jeunes immigrés, à l'époque, c'était pas du tout dans... Les gens, ils savaient pas. Eux, ils avaient toujours l'image des travailleurs immigrés. Le père à l'usine, célibataire, bon, ceux qui sont en famille... La mère, la femme, etc., qui n'existent pas, enfermés dans la maison, les enfants. Et donc, 78-79, ces histoires d'expulsion de jeunes, c'était comme une révélation d'une fraction de la jeunesse, quoi. Thank you. chanter, de raconter ma vie. Même si c'est pas joli, je dirai tout tant pis. Le retour au pays, tu sais, il est loin de ma vie. Je suis né à Paris, la ville de mes ennuis. Je ne cherche qu'à vivre, la France c'est mon pays. Autant que toi ici, le français de Paris. Ma musique électrique a remplacé le tam-tam. Mes paroles je les clame en français de Paris. J'adore ce qui est bon, le sandwich du cochon, au lit, à la maison, jusqu'à la digestion. Pour moi la religion, rock and blues en explosion, ma cam en injection, garantie sensation. Tu peux venir me voir, il ne sera jamais trop tard. Si t'en as vraiment marre, tu peux sortir du noir. Je te bercerai de blues, pas besoin de picouze. Écoute un peu, c'est moi, je serai là pour toi. Les parents étaient désemparés enfin, par rapport à l'expulsion de leur môme. Enfin, ils ne savaient pas trop quoi. En même temps, c'est vrai qu'il y avait de la part des parents sur cette question-là de l'expulsion, etc. Il y a une espèce de légitimisme. Aujourd'hui, c'est très différent, mais bon, il y avait même l'idée qu'il y avait une obligation de réserve en politique. On ne fait pas de politique dans le pays d'accueil et ça. Enfin, on ne fait pas de politique dans le pays d'accueil sur la politique du pays d'accueil. Celle-là, c'était intériorisé sous des formes. Et notamment par toute une culture de soutien aux étrangers, organisée par le Parti communiste depuis les années 20, 1920. C'était. Les étrangers sont organisés par nationalité. On soutient les luttes. Anticoloniale ou démocratique ou populaire par rapport au pays d'origine. Mais en France, pays d'accueil, on s'insère dans les organisations démocratiques ou de gauche, etc., du pays. Quoi. On n'imagine pas une seconde que les immigrés ou les gens issus de l'immigration s'organisent ici avec des revendications spécifiques quand il y en a, quoi. Enfin, quand elles sont nécessaires. Mais bon, donc voilà un peu le contexte dans lequel on a commencé à se bouger. Au départ, c'était complètement vu comme complètement marginal. Et en même temps, ça correspondait à des aspirations dites ou non dites de la part d'un certain nombre de gens, d'abord dans la jeunesse immigrée, ce qui a fait que ça circulait beaucoup, quoi. On a rencontré un peu des gens qui étaient dans le comité pour le droit à la vie et la défense des travailleurs immigrés. Et c'est un peu à la même époque où les gens de Sans Frontières se lançaient, le journal Sans Frontières. L'idée, c'était un hebdomadaire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des gens comme Bernard et d'autres. Et alors, moi, je viens, mon histoire est différente. C'est que nous, on sortait d'une longue histoire. Bernard. De sans-papiers, justement. On avait gagné la régularisation corse en juin 1973 avec le MTA et le Comité de défense des droits des travailleurs immigrés, dont j'étais un des acteurs. Et là, il se posait un premier grand problème. Est-ce qu'on allait faire un syndicat des immigrés, un syndicat des sans-papiers? Et à ce moment-là, on s'est trouvé en conflit direct avec le CFDT, avec les syndicats nationaux français. Moi, j'étais le partisan d'organiser l'immigration, de continuer sur ce qu'on avait fait. Et malheureusement, Il me semble qu'à l'époque, les copains arabes étaient, eux, trop préoccupés par un mouvement pan-arabe, alors que pour nous, il n'y avait pas mauricien ou tunisien ou marocain, c'était du pareil au même. Ça devait être un travail sur l'égalité, et c'était le même combat. Alors voilà, pour te dire dans quel esprit je suis au moment où on a décidé de faire un journal de l'immigration qui s'appelait Sans Frontières. Le journal Sans Frontières publie son premier numéro en mars 1979. Il s'inscrit dans la continuité des luttes autonomes immigrées, par exemple dans les foyers Sonacotra et les usines. Le MTA, Mouvement des Travailleurs Arabes, né des comités de soutien au peuple palestinien, occupe alors une place importante dans ces luttes. Le journal Sans Frontières entend affirmer une culture spécifique de l'immigration qui n'est ni celle des pays d'origine, ni celle de la société d'accueil. Créer un réseau de solidarité pour s'entraider face à l'administration et aux lois. Enfin, mettre en dialogue les différentes luttes de l'immigration. Le journal Sans Frontières défend l'idée de créer un média autonome fait par et pour les immigrés. Quand on crée Sans Frontières, on a donc des possibilités non seulement d'avoir les anciens du MTA, mais également quelques autres nationalités. C'est des Mauriciens, c'est des Turcs, c'est des Pakistanais avec lesquels on avait des contacts. Et là sont arrivés les jeunes de banlieue, notamment le collectif que Moïnis et Samir, qui étaient menacés d'expulsion à cette époque, les gens de Sans Frontières leur ont dit « venez, vous serez les bienvenus ». Et quand les jeunes sont arrivés, bien les jeunes n'ont pas voulu qu'on parle sur eux, mais on dit « nous, on va prendre la parole ». On demande dans le journal une page ou deux pages, une double page sur telle affaire, sur telle affaire, sur telle affaire. Et alors, on a eu tout de suite affaire à des prises de gueule, des prises de bec très violentes avec les jeunes qui sont venus, et notamment à l'occasion du meurtre de Vitry. Alors en même temps, c'est vrai, Sans Frontières se voulait le journal de l'immigration, et eux n'étaient déjà plus des immigrés. C'étaient des fils d'immigrés. C'est-à-dire, oui, moi, mes parents étaient immigrés, mais moi j'en suis pas, et je veux pas être traité comme tel. Hein, je revendique la plénitude des droits. Bon. Donc là, il y avait au sein même du journal deux lignes qui allaient s'affronter. Et moi, je me suis trouvé à vouloir défendre coûte que coûte les pages et le travail avec les jeunes. Et en même temps, les jeunes étaient arrivés à un point où ils ne voulaient plus travailler avec Sans Frontières. Ils en avaient marre de la condescendance, ils en avaient marre de militants qui étaient moralisateurs, de militants qui voulaient, sous prétexte qu'ils avaient été, pas des héros, mais qu'ils avaient fait telle et telle lutte, c'était pas leur histoire. À la limite, le MTA, les luttes ouvrières, l'autonomie, l'auto-organisation, etc., d'accord. Mais sur les questions de rapport à la société française, il n'y a pas forcément un apport important. Est-ce qu'ils avaient une idée claire sur la question du retour ou pas? Moi, je me souviens des débats où c'était encore, pour nous, c'était des blédards. On les appelait des blédards. Bon, il y a toujours cette anecdote du campement de Garges-Gonesse en 79, l'été 79, où les gamins de la cité de la Muette, ils arrivent avec des chariots entiers de Victoria qu'ils ont volés au supermarché du coin pour soutenir les résidents du foyer à côté. Un des dirigeants du comité de coordination Sanacotra, quand il les voit arriver, avec leurs bananes, leurs cuirs, leurs trucs. Première question, c'est d'où ça vient? Ça vient du supermarché. Il dit, vous l'avez payé comment? On s'est débrouillé. Ah, vous l'avez volé. Donc, il met une claque au gamin et il retourne au supermarché sur le mode, on n'est pas des voleurs. Cette anecdote-là montre bien qu'il y a un abîme entre les... c'est pas dire qu'on n'est pas d'accord avec la lutte des comités de coordination. Simplement, l'expérience, le rapport à la société française est complètement différent. Et ça, y compris à Sans Frontières, on l'a vécu. Enfin, on l'a senti. Et ça n'a pas été simple. D'autant plus après qu'on avait un discours sur la question de la délinquance sociale, qui alors là qu'on n'est pas du tout à des gens qui étaient plutôt dans un discours moralisateur, idéologique moralisateur. Et alors là on avait l'origine, une des difficultés de la militance arabe du MTA, et Sans Frontières, disons, c'est qu'ils ne vivaient pas dans les cités et ils ne devinaient pas, ils n'avaient aucun lien, et c'était là la grande contradiction que l'on a vécue dans Sans Frontières, que j'ai vécue. Et c'est comme ça que les jeunes, que Moïnis et ses amis, se sont lancés dans Rock Against Police. Alors, je me souviens des réactions de Sans Frontières. Rock Against Police, c'est-à-dire s'en prendre directement en flic, vouloir faire du flic la cible principale d'un travail politique, ça leur paraissait quelque chose de à la limite de choquant, alors qu'ils avaient eu mal à partir avec le système policier. Hein. Non, là il y avait d'énormes réticences. Ils étaient dans un processus de reconnaissance du travail qu'ils avaient fait antérieurement auprès du milieu associatif, auprès de certains partis politiques, et je pense que là, ils avaient le sentiment que les jeunes amenaient quelque chose qui allait à nouveau les déconsidérer à l'égard d'une certaine opinion politique qu'ils caressaient, qu'ils souhaitaient convaincre de leur bon. Voilà. Voilà un peu le climat de Rock Against Police. Rock Against Police, un documentaire en 6 épisodes. Épisode 1, s'affirmer tel qu'on est, pas tel qu'on devrait être. Avec Origine contrôlée, Écoute maman, Les flambeurs, Carte de séjour, Lounis Lounès, Charles White. Voilà, l'émission Au fond près du radiateur, ça se termine. On laisse la place à l'émission d'Ouboud, comme je vous disais. Au fond près du radiateur, c'est terminé. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site aufondprèsduradiateur.fr, notre Facebook Au fond près du radiateur, et sinon la rediffusion de cette émission aura lieu vendredi prochain de 7h à 8h30 du matin. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On n'écoute pas les bruits qui courent, on va les rattraper, puis les dépasser. Même à pied, tu sais qu'on part au quart de tour, comme si on se faisait courser par les mecs de la maréchaussée. Ils veulent me marcher dans les bottes, je chie dans les leurs. Suis-je un horloger, vu que je remets les pendules à l'heure? On se doit de les pendre haut et court, puisqu'ils nous prennent de haut, puisqu'ils nous prennent de court. Qui sont les vrais salauds, montrons-leur. La ville est nôtre, certainement pas l'heure. Nique ces fils de racoleuses, que des putains de menteurs. Et ma pâleur est lunaire le soir quand on se bat sous le cœur des lampadaires, comme des cons dans le froid. Des cons dansés de folie dans nos crânes. Et quand on plane, parfois on danse, on pense nos plaies avec des doses de cheval. On connaît pas le programme du prochain président. Le rêve de nous descendre, de nous refroidir. Mais savent-ils de quel bon on se chauffe? Frais comme un mois de décembre, gros c'est maladif. Même à moins 10 degrés dehors on s'explose. Ricarum, coca, des collections de cocards. Des bleus sur le corps, pas le même dossard que cet tocards. Si j'écris pas le scénar, je veux pas que ma vie soit un film. Qu'il en soit ainsi, je vais pas mourir peinard. La tête vers les étoiles comme un astrologue. Gardez vos prologues, je veux toute l'histoire. Mon place sur liste noire, ma place est à l'avant. Pas ici bas Salomon, entre les coups de matraque. Ah, yeah. Mes grands enfants sont très confiants, on prépare l'attaque. Et puis, on n'écoute pas les bruits qui courent. On va les rattraper, puis les dépasser. Même à pied, tu sais qu'on part au quart de tour. Comme si on se faisait courser par les mecs de la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Sur le bitume étendu de trous rouges au côté droit, j'suis pépère. On se rappellera de moi comme du dormeur du Val ou d'un beau but de l'Exter. Rieur, je l'étais encore hier. Il faut qu'on transforme ces porcs en rillettes. Sourire aux lèvres dans le corbillard. Quand je pense à ce que je vais mettre à l'arrière, on faisait des rêves qu'ils ont menottés. On cache nos douleurs sous de gros manteaux. Violente et chair percée jusqu'aux os. C'est dans des eaux qu'ils nous ont confinés. On nage dans nos trous pendant qu'ils crachent tous dans nos soupes populaires. J'veux qu'on monte super haut comme dans le funiculaire. Suffit d'un geste pour déclencher la guerre. J'suis en guest star dans le cœur de ceux qui traînent tard dans la ville. J'suis en pétard et c'est même pas des histoires de weed. Le message est simple, il faut qu'on les fornique. Spoutnik style, mes gars s'envoient en orbite. Si j'crève dans un virage, fais en sorte qu'on m'oublie. Mais faut que personne, il faut que personne, il faut que personne ne cesse de dire que. Ouais, faut que personne ne cesse de dire que. Personne ne cesse de dire que. On n'écoute pas les bruits qui courent. On va les rattraper, puis les dépasser. Même à pied, tu sais qu'on part au quart de tour. Comme si on se faisait courser par les mecs de la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée, ouais. Thank you.